إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 19 dans l'explication de la manzouma de l'imam Ibn Abi Dawud al-Sijistani rahimahullah, et on va commencer donc à expliquer le vers numéro 32 dans la version originale et le vers numéro 39 dans la version de du charh du Cheikh Saleh Al-Fawzan, et c'est l'avant-dernier vers. Il reste un autre vers après, et puis inshallah on aura terminé le charh de cette manzouma inshallah. Donc le thème de ce vers, c'est at-ta'nu fi ahli al-hadith, c'est-à-dire que le Cheikh, maintenant, qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne le fait de ne pas attaquer ou critiquer les gens du hadith, ahlul hadith. Et c'est une des caractéristiques en fait des gens de bid'a, qu'ils attaquent les gens du hadith. Ahlul hadith, ce sont les gens de ahlul sunnati wal jama'a, at-ta'ifatul mansoura, le groupe victorieux, al-firqatul najiya, la secte sauvée. Donc si quelqu'un attaque les ulama de ahlul hadith, alors c'est un signe du fait que c'est une personne de bid'a, hein, une personne qui est sur la bid'a. J'ai ramené justement à ce sujet-là quelques points, parce que le Cheikh Al-Fawzan, il a parlé de la question, mais ce petit point, il n'a pas mentionné. C'est en fait un point qu'on mentionne dans la plupart des livres de Aqidah des salafs. Les ulama expliquent que si vous voyez par exemple des gens qui critiquent ou qui attaquent ou qui parlent contre les imams d'Ahl Sunnah, ça veut dire que ce sont des gens de bid'ah. C'est un signe du fait que ce sont des gens de bid'ah. Comme il disait, si vous voyez quelqu'un qui déteste l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Shafi'i, hein, et ainsi que les autres imams d'Ahl Sunnah, eh bien ça c'est une indication que ces gens-là sont des gens de bid'ah. Et ça c'est vrai à toutes les époques. C'est vrai à l'époque de ces imams, et c'est vrai à l'époque également d'aujourd'hui. Vous voyez que les gens de bid'a, hein, si on leur mentionne les noms des grands imams d'Ahlus Sunnah, vous allez voir que ils les détestent, hein, et ils les critiquent. Donc si on leur cite l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, et si on leur mentionne les grands imams de la da'wah, comme le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, ou le Cheikh, par exemple, Abdul Aziz Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, et les grands ulama de notre époque comme le Cheikh Ahmed Al-Najmi et le Cheikh Rabi Al-Madkhali, et d'autres parmi d'autres grands ulama comme le Cheikh Saleh Al-Fawzan et le Cheikh Saleh Al-Sheikh et le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh et le Cheikh Al-Haydan, et ainsi que d'autres grands ulama comme le Cheikh Abdullah Al-Rudayan, et ainsi de suite, et bien vous voyez que ces gens-là les détestent, hein. Les gens de bid'a détestent ces imams parce que ce sont des imams qui défendent la sunna et qui combattent la bid'a, et à cause de ça ils les détestent. Donc le vers à ce sujet là c'est ولا تكن من قوم تلهوا أو ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. C'est-à-dire, ne sois pas du nombre des gens qui ont pris leur religion comme un jeu. Et donc, tu commences à attaquer ou à critiquer ou à insulter les gens du hadith. Et donc, dans ce cas-là, yani, tu es dans l'égarement. Donc, juste pour citer juste le passage où le cheikh Zayd al-Madkhali, Hafizahullah, il mentionne ce passage dans son sharh, un passage à ce sujet. Il dit تحذير من الواقعة في أهل الحديث وأهل الفقه في الدين وقد ذكر السلف رحمهم الله أن الواقعة في أهل العلم من علامات أهل البدع فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع قد ملأ قلبه الحسد والحقد فباء بالخسران المبين. Donc Cheikh Zayd al-Madkhali, il dit que ça c'est un avertissement du fait de parler contre les gens du hadith, les gens de Ahl al-Sunnah et les hommes de science, parmi les hommes de religion et de science et de compréhension de la religion, et les salafs, que Allah leur fasse miséricorde, ont mentionné que si tu vois que des gens attaquent ou critiquent les hommes de science, ça c'est les caractéristiques et les signes des gens de bid'a. Tu vas pas trouver quelqu'un qui critique les hommes de science et les hommes de fiqh et les hommes de hadith, ceux qui ont mémorisé et qui ont compris et qui ont appliqué et qui ont appelé à la science et au hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, excepté que ce sont des gens qui sont sur la bid'a, excepté que c'est une personne qui est un mubtadi' dont le cœur a été rempli de jalousie et de rancune et de haine contre la vérité. Et donc ces gens-là sont des perdants et ils sont dans la perte évidente. Donc ça c'est le passage à ce sujet-là dans le sharh du Cheikh Zayd al-Madkhali que je voulais vous mentionner, et également dans le sharh du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Il dit ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. وكأنه يقصد أهل البدع والأهواء بل يقصدهم ولا شك في ذلك. أولئك الذين يلعبون بالدين ويأخذون منه ما وافق أهواءهم وعقولهم ويردون أو يؤولون ما لم يوافق عقولهم. لذلك أهل هذا المذهب الخبيث اضطروا إلى التأويل والرد للسنة بزعمهم أنها لم توافق عقولهم وذلك إما جهلا بالسنة حتى ولو كان ذلك بحسن نية وإما أنهم يعرفون السنة ولكن عندهم اتباع للهوى مع خبث في النية والعياذ بالله من ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit quand on lit ce vers on dirait que l'imam il parle des gens de bid'a et des gens de la passion. Et en fait, la réalité, c'est qu'il parle d'eux, et c'est de eux qu'il s'agit. Et il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Ce sont des gens qui jouent avec la religion, et qui prennent de la religion uniquement ce qui est en accord avec leur passion, et ce qui est en accord avec leur soi-disant raison. Si ce n'est pas en accord avec leur raison, ils le rejettent, et ils le déforment de sa signification réelle, pour essayer de le mettre en accord avec leurs désirs et leurs passions. Donc ça, ce sont les gens de cette voie mauvaise, et c'est la voie qu'ils ont choisie, qu'on appelle at-ta'wil, et on en a parlé déjà, le fait de déformer la réalité des textes pour qu'elle soit en accord par la suite à la passion qu'ils ont dans leur cœur, soit au sujet des noms et des attributs d'Allah, ou bien au sujet des autres questions de la religion. Donc, ils rejettent la sunna et ils suivent donc ce que, soi-disant, leur raison leur a poussé à accepter, soi-disant, soit par ignorance de la sunna, ou bien soit parce que ils connaissent la sunna, mais ils veulent suivre leur passion et ils ont une mauvaise intention. Donc, ça c'est juste un passage comme ça que je voulais lire, juste pour mentionner ce point-là, puisque c'est une petite notion, yani, et un des fondements parmi les fondements du manhaj des salaf que certaines personnes, yani, négligent ou oublient, et que le cheikh Al-Fawzan n'avait pas mentionné ou n'avait pas spécifié de façon précise, sinon dans d'autres occasions, dans d'autres livres, il en a parlé, comme dans le sharh du livre de l'imam Al-Barbahari, sharh al-Sunnah, il a expliqué et il a élaboré là-dessus en détail. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, maintenant, dans son sharh, lui, il dit, « قول الناظم رحمه الله ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم » أي, « لا تتخذ الدين مهزلة وملعبة » فإن هذا فعل المنافقين والفساق بل عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهله قال الله جل وعلا عن المنافقين والفساق اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ويدخل في هذا الصوفية الذين يجعلون الرقص والدفوف والأغاني من الدين ويسمونها الأناشيد والمراثي والقصائد وينشدونها ويتقربون بها إلى الله وهي من الأغاني والطرب المحرم واللهو المحرم. Donc le cheikh explique que la parole de l'imam Ibn Abi Daoud lorsqu'il dit ne sois pas du nombre des gens qui prennent leur religion pour un jeu, ils jouent avec leur religion, c'est-à-dire ne prends pas ta religion comme un amusement, comme un divertissement. Parce que ça, c'est l'attitude et le comportement des hypocrites et des gens pervers. Et tu dois respecter la religion. Et tu dois respecter également les gens qui défendent et qui font avancer cette religion parmi les gens de science, les gens qui sont les ulama. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des hypocrites, au sujet des munafiqoun et des fussaqs, des pervers, dans le verset 51 dans sourate Al-A'raf, ils ont pris leur religion comme un divertissement et un jeu. Et la vie d'ici-bas les a trompés. Et on peut inclure également dans ça ce qu'on appelle As-Soufiya, les Soufis. Parce qu'ils ont fait de la religion, ils ont fait entrer dans la religion des danses, et de la musique et des rythmes et des tambours et des chansons. Ils ont mis ça dans la religion, comme si c'était quelque chose de religieux. Et tu les vois comme ça dans leur lieu, dans leur centre ou dans leurs endroits où ils se réunissent. Ils commencent à danser, ils commencent à sauter en rond, ils commencent à tourner et ils commencent à taper les tambours comme ça et à chanter des chansons. Et ils pensent que ça, c'est une façon d'adorer Allah ou de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de doute que ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais enseigné de choses pareilles. Donc, il dit, tu les vois en train de chanter et ils font ce qu'ils appellent justement des anachides. Ce sont des chansons et ils appellent ça des anachides ou bien des qasaïdes ou bien des marathi ou bien des madaih ou d'autres noms qu'ils ont donnés à ces choses-là. Et ils prennent de ça un moyen pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie des distractions et des divertissements qui sont haram. Et non seulement c'est haram, mais c'est pire que haram parce que c'est une bid'a. Ok, c'est pire que haram parce que c'est une bid'a. Et la bid'a, c'est plus grave dans la religion d'Allah que le péché ordinaire. Parce que le péché, quand quelqu'un le commet, il sait que c'est quelque chose qui est haram. Donc il peut s'en repentir. Il peut demander pardon à Allah, il peut faire tawbah, mais celui qui fait une bid'a, quand il l'a fait, il s'imagine qu'en le faisant, eh bien, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne pensera jamais à se repentir. Il va continuer à le faire. Et non seulement il ne va pas penser à se repentir, mais pour lui, ceux qui ne pratiquent pas sa bid'a avec lui sont dans l'erreur. Donc, il voit la religion à l'envers complètement. Et c'est pour ça que certains des salafs mentionnaient justement à ce sujet-là que البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. Un des salafs, il disait, la bid'a est plus aimée du shaytan, Iblis, que la bid'a, que la désobéissance ou que le péché ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, لِأَنَّ الْمَعْصِيَ يُتَابُ مِنْهَا أَمَّ الْبِدْعَ فَلَا يُتَابُ مِنْهَا. Le péché, tu peux t'en repentir, mais la bid'a, tu ne peux pas t'en repentir. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est quelque chose que Allah aime. Et c'est impossible de... pour ces gens-là de se repentir de quelque chose alors qu'ils s'imaginent que Allah aime cette chose. Donc celui qui est un musicien dans un groupe, hein, et qu'il fait soit des musiques qui sont populaires ou d'autres styles, hein, et qu'il sait que ça c'est haram, il est moins pire que celui qui est en train de faire des anachides et des chansons, en train de danser dans la mosquée et de tourner en rond et de sauter. Puisque celui-là, il fait ça, il pense que Allah aime, tandis que l'autre, il le fait et il sait que Allah déteste cette chose-là. Et il sait qu'il est en train de désobéir à Allah et qu'il doit se repentir parce qu'il est en train de faire quelque chose qui est haram. Hein? Donc ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre, la différence entre le péché et la bid'ah. Le Cheikh dit ensuite, وَيَدْخُلُ فِيهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَمَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ وَيُعْطُونَ أَنفُسَهُمْ مَا تُرِيدُ ولو كان مخالفا للدين فهذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا فيدخل فيه الفساق الذين لا يبالون بأمر الدين ويتبعون ما تشتهيه أنفسهم ورغباتهم. Le cheikh dit également qu'on peut faire rentrer ces gens-là de manière plus importante encore, également ceux qui penchent vers leur passion et vers ce que leur âme ce que leur âme désire. Donc toute chose que leur âme désire, ils succombent, ils se laissent aller et ils offrent à leur âme tout ce que l'âme demande, et même si c'est en contradiction avec la religion. Et ça fait partie de prendre sa religion pour un jeu et pour un divertissement. Et donc, on peut faire rentrer dans cette catégorie-là, ceux qui prennent la religion pour un jeu, ces gens-là, qui sont des pécheurs, et pour qui la religion, yani, n'est pas importante. Ils ne donnent aucune importance à la religion. Et ils suivent uniquement ce que, ils ont comme passion et comme désir. ويدخل فيه العباد من الصوفية الذين أدخلوا في العبادة ما ليس منها بل أدخلوا فيها ما يخالفها من ضرب الطبول والرقص ويتخذون هذا دينا وينشدون القصائد القصائد المنغمة كفعل النصارى في ترانيمهم وهذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. Donc le cheikh, il dit également, on peut, comme on a dit tout à l'heure, faire rentrer les soufis là-dedans, parce que ils ont fait rentrer dans l'adoration ce qui n'en fait pas partie. Ils ont fait rentrer dans l'adoration ce qui est en contradiction avec la religion, comme le fait de taper les tambours, ou bien de danser, ou des choses de ce genre. Ils prennent de ça, ils font de ça une religion. Et ils considèrent que ça fait partie pour eux de la religion. Et tu les vois encore, comme on disait, chanter des chansons comme les chrétiens. Il y a les chrétiens, il y en a dans leurs églises. Les catholiques, ils ont qu'est-ce qu'on appelle les chants grégoriens. Ils vont dans leurs églises, ils chantent comme ça, hein, en groupe, dans leurs églises et leurs monastères. Donc pour eux, ça, ils pensent que c'est quelque chose de religieux. Et il y a également les groupes de chrétiens protestants qui font le gospel ou d'autres styles de musique également, ils pensent que c'est de la musique religieuse. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Bon, tout ça, ça fait partie de ce genre de choses. Et puis, dans certains pays musulmans, hein, je ne vais pas mentionner lequel, mais juste pour vous dire que dans certains pays musulmans, il y a des festivals de musique religieuse. Et dans ces festivals-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils invitent les musiciens, les chanteurs de toutes les différentes religions du monde, yani, les mouchriquins, les koufars, les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs, hein, n'importe quelle religion, et qui participent à ça parmi ceux qui se disent musulmans? Bien entendu, ce sont les différentes confréries soufis qui participent à ça, donc, et qui font de la musique avec les gens des autres religions. Et on a même vu dans certaines occasions que des soi-disant chanteurs islamiques vont faire des chansons dans des églises, vont chanter dans des églises. Et on a même des exemples de ça dans des vidéos qu'on a mis sur Internet. Donc, Allahul Musta'an. Il y a aussi une nouvelle catégorie de ce genre de choses qui est apparue aussi, c'est les nouveaux chanteurs islamiques, les groupes de rap islamiques, les chanteurs islamiques, des trucs de ce genre. Et il y en a qui font des vidéos de musique maintenant, et puis ils parlent de religion, ils parlent d'islam, et tout ça c'est, ils font de ça une religion. Donc tout ça c'est contraire à la sunna, et c'est très grave, et c'est très dangereux, yani, ce genre de choses. Donc, il faut, yani, faire attention à ce genre de choses, parce que ça fait que la religion à la fin devient comme un jeu, et par la suite on ne prend plus les choses au sérieux. Par exemple, au Canada, chaque année, ils font des conventions ou des séminaires. Puis, ils annoncent toujours, par exemple, la venue d'un chanteur ou deux ou trois groupes de chants islamiques, soi-disant. Et puis, après, ils font des sessions de photos, puis des signatures d'autographes. Et puis, ils vendent leurs CD. Et Yanni, c'est devenu un peu comme des vedettes de chansons islamiques. Donc ça c'est quand on ouvre la porte à la bid'a, c'est ça qui arrive, yani. Allah musta'an. Donc ça c'est en plus une imitation des kuffars. Donc c'est encore plus grave. Et le cheikh dit فهذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. Tout ça fait partie de prendre la religion comme un jeu et un divertissement. وقوله رحمه الله تعالى فتطعن في اهل الحديث وتقدح عليك باحترام اهل الحديث واهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب واعتنوا بها عناية تامة وهم على قسمين الأول أهل رواية فحسب والثاني أهل رواية ودراية. Donc le cheikh maintenant il mentionne le fait de ne pas insulter ou critiquer les gens de Ahlul Hadith, et il dit tu dois respecter les gens du Hadith, et les gens du Hadith ce sont les gens qui s'occupent d'étudier les transmissions de la transmission de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de la mémoriser, et qui l'ont transmis par la suite, comme elle a été transmise ou comme elle leur est parvenue de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce sont ceux qui enlèvent ou qui purifient, disons, la sunna de tout ce qui a été introduit dedans ou de tout mensonge qui lui a été attribué. Et ils s'occupent également de tout ce qui a rapport à ça, donc de façon générale. Et il s'en occupe de façon complète. Et il dit que les gens du hadith, donc, sont de deux catégories. Les gens qui s'occupent de la transmission seulement et de des narrations, ils s'occupent uniquement de ça. L'étude des chaînes de transmission et de la mémorisation et du tahqiq et du tahrij, ainsi de suite. Et la deuxième catégorie, c'est les gens qui se préoccupent de ça. Plus, et en plus de la compréhension des textes du hadith aussi. Donc, il les divise en deux catégories. Donc, ça c'est un aspect de la question de ce qui a rapport avec Ahlul Hadith, que le Cheikh Al-Fawzan explique maintenant. Puis, quand on a, par exemple, lu dans les paroles du Cheikh Ahmed Al-Najmi et du Cheikh Zayd Al-Madkhali et de d'autres ulama également qui expliquent ce sujet-là, ça se limite pas uniquement à ces deux catégories-là en réalité. En fait, Ahlul Hadith, ça a une signification beaucoup plus grande aussi que ça, en réalité, puisque Ahlul Hadith, on l'a utilisé à un certain moment donné par opposition à ceux qu'on appelait Ahlul Ra'i. Ahlul Ra'i, c'est-à-dire les gens qui se basent sur leur opinion ou sur leur raison et qui placent ça au-dessus du Coran et au-dessus de la Sunna. Hein? Et donc, Ahlul Hadith, en réalité, comme je disais, ce sont, en fait, c'est un autre nom par lequel on désigne les gens de Ahlul Sunnah wal Jama'a ou bien ceux qui suivent la voie des Salaf al-Salih. Donc, c'est un synonyme de Ahlul Sunnah wal Jama'a, Ahlul Hadith. Mais le Cheikh, lui, il se concentre ici maintenant sur la définition dans le sens du fait que ce sont des gens qui étudient le Hadith. Donc, le Cheikh, il dit. Il explique maintenant la première catégorie. Ahlul Riwaya. Hum al-Huffaz, al-Ladina hafizu al-Asanid, wa atqanuha, wa mayyazu ruwataha, wa bayyanu ahwal al-ruwat. Wa aydan, i'tanu bil-mutun, wa hafizuha, wa ballaguha bi-alfaziha, hatta in al-hafiz, iza shakka fi lafza, يقول أو قال يقول أو قال كذا وكذا يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم أو يقول شك فلان ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف فيها ولو كان المعنى واحدا يحترمون الألفاظ ويؤدون الحديث بلفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. Donc le Cheikh explique que la première catégorie, ce sont les gens de la riwaya, ce sont les gens de la transmission du hadith et de la narration du hadith. Ce sont les gens qui ont mémorisé la sunna et qui ont mémorisé les chaînes de transmission et qui ont maîtrisé ce domaine et ce sujet-là et qui sont capables de distinguer entre les différents narrateurs qui ont transmis les hadiths et de clarifier l'état de chacun de ces narrateurs-là, c'est-à-dire est-ce qu'il a une bonne mémoire, est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable, est-ce que c'est quelqu'un qui est faible, est-ce que c'est quelqu'un qui ment, est-ce que c'est quelqu'un qui fabrique des hadiths, est-ce que c'est quelqu'un qui a une bid'a, ainsi de suite. Donc, il clarifie l'état des différents transmetteurs ou des différents narrateurs de hadith. Et également, ils se sont occupés des textes du hadith, c'est-à-dire de les mémoriser, de les transmettre dans les termes qui ont été utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même que le mémorisateur de la sunna, le cheikh, il dit que lorsqu'il a un doute au sujet du mot qui a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire au qala kada wa kada yarhamukallah. Donc il va dire au qala kada wa kada, c'est-à-dire où il a dit tel ou tel mot, hein, parce qu'il n'est pas certain. Donc quand il n'est pas certain, il mentionne qu'il n'est pas certain et il le signale, il le fait savoir, hein, et il vient avec la deuxième possibilité de quel pouvait être ce mot-là qui avait été employé, et il ne le dit pas de manière certaine. C'est-à-dire, s'il n'est pas certain, il mentionne qu'il n'est pas certain, et puis il donne la première chose qu'il a pensée, puis la deuxième possibilité. Hein? Et ensuite, il va mentionner des fois également celui qui a mémorisé, il va mentionner également, il va dire « chaque kafoulan », c'est-à-dire un tel des narrateurs qui a transmis ce hadith, à un moment donné, il a eu un doute au sujet de tel mot, hein, ou de telle parole. Et il va mentionner donc un autre mot pour remplacer ce mot-là au sujet duquel il a un doute, même si c'est un synonyme de ce mot-là, c'est-à-dire même si le mot qu'il va employer a la même signification, eh bien, il clarifie que il n'est pas certain du mot, alors qu'en réalité la signification du mot c'est la même. Donc, il respecte les mots et les termes exacts tels qu'ils ont été mentionnés et cités, et il transmet le hadith dans ces termes. Hein? Donc quand ils agissent de cette manière, en réalité, c'est pour respecter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim et d'autres également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala élimine le visage de celui qui a entendu notre parole et qui l'a transmis comme il l'a entendu. Parce qu'il se peut qu'une personne c'est possible que la personne à qui on va transmettre le hadith va avoir une meilleure compréhension de ce hadith que celui qui l'a entendu lui-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc des fois par exemple toi tu vas entendre la parole de quelqu'un, tu la mémorises mais tu comprends pas réellement qu'est-ce que ça veut dire. Tu vas la mentionner cette parole à quelqu'un d'autre et la personne va te dire voici ce qu'il voulait dire. Hein? Donc c'est possible que quelqu'un a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans la comprendre ou sans savoir ce qu'elle signifiait, puis elle la transmet à quelqu'un d'autre et cette autre personne est capable de la comprendre plus que celle qui l'a entendue. Donc eux, les ulama de hadith, eh bien, ils ont mémorisé les hadiths tels quels et ils n'ont pas essayé de les changer. Hein? Contrairement aux gens de bid'ah, quand ils ont reçu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont trouvé dans les hadiths des mots qu'ils n'aimaient pas, ils essaient de les déformer, ils essaient de les changer. Tandis que les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, hein, ils transmettent le hadith tel quel. Ils ne laissent pas leur passion ou leur jugement ou leurs idées influencer la transmission du hadith qu'ils ont mémorisé. Après le Cheikh, il dit « Fahum yuhafizuna ala mutun al-hadith wa asanidiha » ألا يدخلها ألفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا شكوا بينوا الشك ويدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحدا واحدا ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع هذه مهمة الحفاظ ويسمون نقاد المتون والأسانيد مثل نقاد الذهب والفضة والسيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيفة من حين يسمع صوت النقد يقول لك هذا مغشوش أو هذا غير مغشوش ها؟ فأصحاب الحديث مثلهم إذا ما سمع الحديث وسمع سنده يقول لك هذا فيه كذا أو فيه كذا. Donc le cheikh explique, il dit que donc ce sont eux qui ont mémorisé les textes des hadiths et les chaînes de transmission pour pas que des termes ou des mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit soient introduits dans les hadiths. Et quand ils ont un doute, ils clarifient le doute et ils étudient les chaînes de transmission et ils, comme on a dit tout à l'heure, ils connaissent l'état de chaque narrateur un par un. Et ils distinguent donc entre le hadith qui est authentique, celui qui est bon, qui est hassan, ou celui qui est da'if, ou bien qui est maudour, qui est fabriqué. Et donc ça c'est le rôle des mémorisateurs de la sunna. On les appelle également, on peut dire, les nuqqad, c'est ceux qui analysent ou qui critiquent les textes et les chaînes de transmission. Ils disent ce sont comme les spécialistes dans les métaux comme l'or et l'argent. Hein, à l'époque, avant, les gens, quand ils voulaient acheter des choses ou vendre, ils utilisaient des pièces d'or et des pièces d'argent, pas comme aujourd'hui. Hein, et ils les pesaient, il y en a pour savoir si la quantité était exacte, pour pas qu'il y ait du vol hein, dans l'argent. Et également, pour pas qu'il y ait des tricheries, il y en a dans l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, ce sont des spécialistes. Donc, quand ils entendent l'or, quand ils le font, ils font du bruit avec pour essayer de savoir est-ce que c'est du vrai or ou du vrai argent, ils l'écoutent et ils savent tout de suite, juste en l'écoutant, que c'est de l'or correct ou non. Ils savent si c'est du faux ou non. Et il dit, le cheikh, donc, que les ulama de hadith sont comparables à ceux-là. Ils arrivent à distinguer quand ils entendent le hadith et ils entendent la chaîne de transmission, tout de suite ils savent ce hadith il a tel problème ou tel problème. Hein? Donc ça c'est les ulama de al-riwaya. Wal akharun ulama al-riwaya wa al-diraya, yani فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الأحكام ويذكرون فقه الحديث كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد وهؤلاء فقهاء الحديث فهم حفاظ وفقهاء. Le Cheikh dit, il y a également d'autres ulama qu'on appelle ulama al-riwaya wa ulama al-diraya, c'est-à-dire ceux qui non seulement ils ont mémorisé le hadith, mais en plus ils ont la compréhension du hadith et ils le transmettent et ils extraient de ces hadiths des règles, hein, et des verdicts, et ils mentionnent donc la compréhension des hadiths, comme par exemple l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, hein, le Cheikh il mentionne juste l'imam Muslim, al-Bukhari, Malik et Ahmad, mais tous les autres également on peut les mentionner aussi, ils font tous partie des ulama de al-Riwaya wa al-Diraya. Donc l'imam Malik fait partie de Ahlul Hadith, puisque il faisait partie des plus grand savant de hadith. Et la preuve, il a écrit un des livres qu'on appelle Al-Muwatta, hein, qui est un des premiers livres qui a été rassemblé dans la science du hadith, hein, au sujet des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait partie de Ahlul Hadith. Hein, et de même que l'imam Al-Shafi'i, et de même que l'imam Ahmad, hein, et ainsi que beaucoup d'autres également qu'on ne connaît, que c'est pas tout le monde qui les connaît, mais ils sont connus par les ulama, ce sont des grands imams de la sunna et de l'islam, comme l'imam al-Awza'i, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam al-Layth ibn Sa'ad, et beaucoup d'autres également parmi les ulama comme al-Zuhri, hein, et ainsi de suite. Donc, tous ces ulama-là sont non seulement des savants dans la mémorisation du hadith, mais en plus de ça, ils sont des ulama dans le fiqh du hadith aussi, comme par exemple Ishaq ibn Rahouya et beaucoup d'autres. Et il y a un point que je voulais mentionner aussi à ce sujet-là, c'est que quand je disais tout à l'heure qu'on utilisait le terme Ahlul Hadith par opposition à Ahlul Ra'i, en fait, c'est que il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Bazmoul, Mohamed Bazmoul, au sujet de l'introduction au fiqh et l'introduction du fiqh. Je ne me rappelle plus exactement du titre, mais dans le livre, il mentionne que à l'époque, dans la ville de Al-Basra et dans la ville de Basra, si je ne me trompe pas, ou bien de Koufa, je pense que c'est plutôt à Koufa, il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient des hadiths dans cette région-là, et à cause de ça, donc les gens avaient établi des conditions très très strictes pour accepter les hadiths. Ils avaient établi des conditions très strictes pour accepter les hadiths, et il y avait très peu de hadiths dans cette région-là. Donc, les gens, à cause de ça, se basaient beaucoup sur le qiyas, se basaient beaucoup sur les analogies, au lieu de se référer au hadith directement. Donc, avec le temps, ça s'est développé en une école qu'on a appelée Madrasatul Ra'i, hein, l'école de Ra'i. Mais, à un certain moment donné, des fois, c'est devenu exagéré. C'est-à-dire qu'ils faisaient passer les analogies par-dessus la sunna. Et donc, à cause de ça, beaucoup d'ulama ont commencé à les critiquer. Et c'est pour ça qu'on employait un des termes qu'on employait pour les désigner, les ulama de la sunna, on les appelait Ahlul Hadith, pour les distinguer de Ahlul Ra'i. Et comme je disais tout à l'heure aussi, on appelle aussi Ahlul Ra'i les gens de bid'ah en général. Hein? Et donc, ça c'est juste un petit point que je voulais mentionner en passant. Donc le Cheikh il dit ensuite: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء وهؤلاء فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربها فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc le cheikh explique que on peut comprendre en fait ces deux catégories de ulama par rapport à l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith là il dit l'exemple ou la comparaison ou l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme guidance et comme science, hein, l'exemple de ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé aux hommes, avec guidance et avec science, c'est comparable à la pluie, une grande pluie qui est tombée sur une terre. Donc, parmi la terre ou parmi les exemples de terre sur laquelle cette pluie est tombée, il y avait une terre qui a accepté cette eau et qui a fait pousser beaucoup de différentes herbes et de différentes plantes, ainsi de suite. Et il y en a une autre sorte de terre, elle a gardé l'eau. Et donc, les gens pouvaient venir à cette eau-là et boire, ou bien s'abreuver, ou bien nourrir leurs bêtes, ou bien l'utiliser pour cultiver. Et il y a une autre catégorie de terre sur laquelle cette pluie est tombée, et elle est comme une terre en fait qui est bonne à rien parce qu'elle n'a pas retenu l'eau et elle n'a rien fait pousser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite que l'exemple donc par rapport à cette pluie, c'est comparable donc à celui qui a compris la religion d'Allah, hein, donc ça a été bénéfique pour lui. Et l'autre terre, ça c'est la première terre, celle qui a fait pousser des plantes. La deuxième terre, l'exemple c'est celui qui non seulement il a appris cette religion, mais en plus il l'a enseigné aux autres. Donc c'est comme la terre qui a gardé l'eau, les gens peuvent venir s'abreuver, hein, ils peuvent venir abreuver leurs animaux également et l'utiliser pour l'agriculture, ainsi de suite. Donc ça c'est l'exemple de celui qui a appris pour lui-même et qui a enseigné aux autres. Et la troisième terre, celle qui n'a pas gardé l'eau et qui n'a rien fait pousser, c'est comme celui qui n'a pas donné d'importance à la religion du tout et qui n'a pas accepté la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il avait envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique donc chacun de ces groupes là, il dit فَالطَّائِفَةُ الْأُولَى نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاء فَأَنْبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبُ الْكَثِيرُ هَذَا مِثَالٌ لِلْحُفَّاظِ الَّذِينَ أَمْسَكُوا الْحَدِيثُ وَرَوَوْهُ وَحَفِظُوهُ وَمَنْ إِحْتَاجَ إلى دليل يرجع إلى ما دونوه وما جمعوه فيأخذ منه مثل الجابية التي تحفظ مياه السيول يرد إليها الناس بدوابهم وبأوانيهم ويرتوون منها Donc la première catégorie, c'est l'exemple de la terre qui a pris l'eau et qui a fait pousser beaucoup de plantes avec, et beaucoup d'herbes. Hein. Donc il dit ça, c'est comme les mémorisateurs du hadith qui ont mémorisé le hadith et qui l'ont transmis et qui l'ont appris par cœur. Donc les gens retournent à ce qu'ils ont mémorisé et, et à ce qu'ils ont rassemblé comme hadith et qu'ils ont écrit dans des livres, comme par exemple un barrage, quand on fait un barrage sur une rivière pour accumuler l'eau à cet endroit-là. Donc eux, ces ulama-là, sont comme ce genre de barrage qu'on met sur une rivière pour accumuler l'eau. Et les gens viennent avec leurs animaux et avec leurs conteneurs pour s'abreuver. Et donc ça, c'est l'exemple des mémorisateurs de hadith. الطائفة الثانية أمسكت الماء فأنبتت الكلى وهذا مثال لفقهاء الحديث الذين حفظوا الحديث وأمسكوه واستنبطوا منه الأحكام هذا إنبات الكلى فشرب الناس ورعوا وهؤلاء أحسن من الطائفة التي قبلها وأحسن من الحفاظ لأنهم أهل رواية. Le deuxième groupe, c'est le groupe de, c'est l'exemple de la terre qui a gardé l'eau et qui a fait pousser des plantes également. Donc, c'est comme les fuqaha du hadith, les gens qui ont compris le hadith. Ils l'ont mémorisé et ils ont extrait les verdicts de ces hadiths. Donc, c'est comme les plantes qui ont poussé et également les gens qui viennent boire de cette eau-là, donc ils font profiter aux autres également, pas juste à eux-mêmes. Donc, ce groupe-là, ils sont meilleurs que le premier qu'on a mentionné. Ils sont meilleurs que les Huffaz, parce qu'ils ont les deux. Ils ont la mémorisation des hadiths et en plus la compréhension du hadith. Et le Cheikh dit comme troisième groupe, الطائفة الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فلذلك فذلك مثال من لم يقبل هدى الله الذي ولم يرفع بذلك رأسا فالناس كالأراضي ثلاثة أقسام الأول أجادب لا تنبت ولكنها أمسكت الماء وهؤلاء الحفاظ الثاني أرض خصبة أمسكت الماء وأنبتت وهؤلاء هم الحفاظ الفقهاء والثالث طائفة ليس فيها خير لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء وهذا مثل المنافقين الذين لا خير فيهم الذين لا يرفعون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا. Donc le cheikh il dit que le troisième groupe c'est donc ceux qui ne profitent pas de cette, c'est comme la terre qui ne profite à personne et qui ne garde même pas de l'eau pour abreuver les autres. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas accepté la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les trois groupes, pour les résumer, c'est le premier, c'est la terre qui garde l'eau, qui fait pousser, disons que la terre qui fait plutôt pousser des plantes. Mais, elle garde pas l'eau, elle fait pousser des plantes avec l'eau qu'elle absorbe. Ça, c'est la catégorie des mémorisateurs de la sunna. La deuxième catégorie, c'est une terre qui garde l'eau et qui fait pousser des plantes. Ça, ce sont les mémorisateurs de la sunna qui ont la compréhension en plus. Donc, ce sont des fuqaha. Et la troisième catégorie, ils n'ont pas, et ce sont des gens qui n'ont aucun bien en eux, c'est-à-dire, ils ne font pas pousser de plantes et ils ne gardent pas l'eau. C'est comme les hypocrites, ceux qui n'ont aucun bien en eux-mêmes et qui ne donne aucune importance à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit ensuite fa ahlul hadith hum afdalul umma wa humul firqatun najiyah wa qala al imam ahmad rahimahullahu ta'ala in lam takun al firqatun najiyah ashabul hadith fala adri man hum fa ashabul hadith هم الفرقة الناجية وكذلك من اتبعهم وسار على نهجهم فهو يلحق بهم. Donc le cheikh explique, il dit que Ahlul Hadith, ce sont les meilleurs de cette umma. Les gens du Hadith, ce sont les meilleurs de cette umma. Et ce sont eux qui sont le groupe sauvé. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui a posé la question au sujet des gens du Hadith, qui sont on lui a posé la question au sujet, pardon, du groupe sauvé. Qui est-ce qui est le groupe sauvé? Et il a dit, si ce ne sont pas les gens du hadith, je ne sais pas qui ils sont. Et ça, c'est pas seulement l'imam Ahmad qui a dit ça. Il y a plusieurs autres imams de Ahl Sunnah qui ont mentionné ça. Il a dit, si le groupe sauvé, ce ne sont pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Et donc le cheikh il dit que les gens du hadith, ce sont eux qui sont le groupe sauvé, et de même que tous ceux qui les suivent et qui ont suivi la même voie qu'eux et le même manhaj qu'eux, donc ils sont considérés comme étant des gens du hadith et comme faisant partie des gens du hadith eux aussi. C'est-à-dire que même si par exemple quelqu'un n'est pas un savant de hadith, ou il n'a pas étudié le hadith, ou il n'est pas un muhaddith, mais il est sur la aqida des salafs et sur le manhaj des salafs dans sa compréhension de l'islam et dans sa aqida, alors il fait partie des gens du hadith, même s'il n'est pas un spécialiste du hadith. Hein? Et ça, c'est l'explication que les ulama ont expliquée. Parce que les ulama du hadith, en réalité, sont les têtes des gens du hadith. D'accord? Puis, ceux qui les suivent en arrière, même s'ils ne sont pas des savants, eux aussi, ils sont derrière les ulama de Ahlul Hadith. Donc, ça, c'est l'explication par rapport au vers 32. Maintenant, le dernier vers de cette manzouma, c'est le vers numéro 33. Et le thème de ce vers, c'est Ahammiyatu li'tiqad as-sahih wa fadluhu fi ad-dunya wal-akhirah. C'est-à-dire l'importance d'avoir une bonne aqida, d'avoir une bonne croyance, et le mérite de cette bonne aqida dans et le mérite d'avoir cette bonne aqida dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, le dernier vers de cette manzouma, le vers 33, ou bien le vers 40, dans la version de ce charh, avec l'ajout des 7 vers. Donc, le cheikh, il dit, l'imam Ibn Abi Daoud a dit dans ce dernier vers, « إِذَا مَعْتَقَدْتَ الدَّهْرَ يَا صَاحِ هَذِهِ فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ تَبِيتُ وَتُصْبِحُ » C'est-à-dire, du moment que tu as cru en cette aqida, que tu as eu cette aqida, alors, yani, tu es sur le bien, yani, tu dors et tu te réveilles sur le bien. Hein? Donc, on va expliquer maintenant ce dernier vers, hein, et c'est la dernière explication donc, par rapport à ce charh. Donc c'est la fin. Inch'Allah, le cheikh il dit وقال قول الناظم رحمه الله إذا ما اعتقدت الدهر هذا الختام يقول فيه إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل أما أن تعتقد ذلك فترة ثم تتركه وتهمله فهذا لا ينفعك شيئا لا بد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها فهذا يعني يهلك مع الهالكين للشيخ الإكسبيك l'imam Ibn Abi Daoud, il dit « Iza ma'taqadta ad-dahr » C'est-à-dire, si tu crois en cette aqidah, c'est-à-dire toute ta vie jusqu'à ta mort, hein, il dit donc, ça c'est pour terminer la manzouma, il dit donc, si tu crois en cette qasida et en ce qu'on a mentionné dans cette qasida comme article de la foi et de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, tu y crois toute ta vie, ou bien au moment de ta mort, à la fin de ta vie, alors dans ce cas-là, tu es sur le bien. Dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein, parce qu'on sait que qu'est-ce qui compte en réalité dans la vie d'une personne, c'est qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il croit à la fin de sa vie. Si quelqu'un, comme le cheikh il dit, si tu crois à cette aqida juste une partie de ta vie, puis après tu l'abandonnes ou tu la délaisses, alors ça ne va pas te profiter. Il faut que tu persistes et que tu continues sur cette aqida jusqu'à ta mort. Donc si tu as cru en cette aqida au début de ta vie, puis que par la suite tu es revenu de cette aqida, donc tu vas périr avec ceux qui ont péri. Qu'est-ce qui est important dans la vie d'une personne? C'est qu'est-ce qu'il a cru à la fin de sa vie et non pas qu'est-ce qu'il a fait durant toute sa vie entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement innama al-a'malu bil khawatim, c'est-à-dire les œuvres vont uniquement avoir une valeur par rapport à ta fin. Et qu'est-ce que tu as eu à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu as cru à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu as pratiqué à la fin de ta vie? Il dit ya sahi يحتمل أن أصله يا صاحبي ورخم والترخيم أن يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا أو أن الأصل يا صاحي من الصحوة وحذفت الياء كذلك من أجل الترخيم والتخفيف على المستمع. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Abi Daoud il dit ya sahi idha ma'taqadta ad-dahr ya sahi hadhihi. Donc ya sahi, le cheikh il dit ça se peut que ce soit une abréviation ou bien un raccourci pour sahibi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, parce que des fois en arabe dans les poèmes on raccourcit les termes qui sont reliés à une lettre qui est harfunida. Donc on dit, au lieu de dire ya sahi, on va dire ya, au lieu de dire ya sahibi, on va dire ya sahi. Comme il donne l'exemple, au lieu de dire ya su'ad, il dit ya su'a. Donc on enlève la dernière partie des fois. Soit que c'est pour dire cette signification-là, dans ce cas-là, ça veut dire ô mon compagnon ou ô mon ami. Et dans l'autre cas, il dit que soit que c'est ya sahi, min as-sahwa, c'est-à-dire ô toi qui es réveillé, ô toi qui es éveillé, yani. C'est comme si l'imam Ibn Abi Daoud il dit si tu crois en cette aqida durant toute ta vie, ô toi qui es réveillé, hein. Donc ça c'est une autre signification également. Il dit ensuite fa idha amilta bima dhakara an-nazim fi hadhihi al-abyat wa i'taqadta ma ja'a fiha فأنت على الجادة الصحيحة والمسلك الصحيح ومن خالف ما جاء فيها فإنه يكون من المخالفين وعلى حسب مخالفته وليس ذلك لأجل الناظم أو منظومته وإنما من أجل أن هذه المنظومة مأخوذة من الكتاب والسنة فليس هذا مدح لمنظومته وإنما هو مدح لما تشتمل عليه من معاني الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que si tu appliques qu'est-ce qui est dans cette manzouma et si tu crois en qu'est-ce que l'imam Ibn Abi Daoud a mentionné dans ses vers, tu y crois avec conviction, tu en fais ta aqida, donc inshallah tu es sur la bonne voie et sur le bon chemin. Mais si tu contredis ce qui a été mentionné dans cette manzouma, alors tu seras parmi ceux qui ont contredit la vérité, selon ta contradiction. Et le cheikh il dit qu'on ne dit pas ça pour faire plaisir ou bien pour dire qu'on prend cette aqida de cette manzouma à cause du cheikh lui-même ou à cause de que c'est sa manzouma à lui. Non, on dit ça pourquoi? Parce que cette manzouma a été prise des significations du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'on dit de suivre qu'est-ce qui est dans cette manzouma. C'est pas parce que c'est la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud, dans le sens que à cause de lui. C'est à cause du fait que cette manzouma est la signification de ce qui est dedans, c'est tiré du Coran et de la Sunna. Et en fait, c'est la aqida des salaf al-salih. Donc, c'est pas pour glorifier la manzouma elle-même, mais pour glorifier qu'est-ce qu'elle contient des significations du Coran et de la Sunna. Donc, on mentionne ou on lit ce livre, et en même temps, c'est comme si pour nous rattacher donc à un des imams parmi les imams des salaf pour nous dire. Et c'est un parmi les imams qui ont mentionné que la aqida des salaf, c'est cette aqida-là. Et ça vient en même temps confirmer la véracité de ce qu'on suit. hein, la véracité de ce qu'on suit si on est sur la voie des salaf al-salih. Et ça confirme également que cette aqidah, comme je disais au premier cours, c'est pas quelque chose qui est venu après, c'est pas quelque chose qui est venu à l'époque d'Ibn Taymiyyah ou qui est venu à l'époque de yani l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ça c'est une aqidah qui est ancienne, une aqidah qui est venue depuis l'époque des salaf al-salih. Donc c'est pas une bid'ah, hein, contrairement aux autres voies qui sont apparues par la suite. Parce qu'il y en a des gens qui viennent, qui disent « Ah, vous êtes des wahhabis, hein ?» Alors que cette aqidah, elle existait des siècles avant même que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab soit venu au monde. Ils vont dire « Ah, vous êtes des wahhabis, hein ?» Ça, c'est de la manière qu'ils utilisent pour faire fuir les gens de la da'wa salafiyya. Donc le cheikh il dit wa qawluhu rahimahullah ta'ala fa anta ala khairin tabidu fa anta ala khairin tabitu fi al-masa wa tusbihu fi al-sabah fala takun mimman yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran bi sabab al-fitan la takunu kadhalik insha Allah لأنك على منهج أهل السنة والجماعة وهذه هي الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة سميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة وسموا أهل السنة لأنهم يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعون ولا يختلفون فمن سمات أهل الحق الاجتماع ومن سمات أهل الباطل الافتراق والاختلاف. Donc le cheikh il explique, il dit donc si tu es sur cette aqida, donc tu es sur le bien. L'imam Ibn Abi Daoud, il dit donc, dans ce cas-là, tu es sur le bien. Tu te couches le soir sur le bien et tu te réveilles le matin sur le bien, si tu es sur cette aqidah. Et pourquoi il mentionne ça? Le cheikh, il dit, il mentionne ça parce que c'est possible que quelqu'un se couche croyant et qu'il, c'est possible que quelqu'un, se réveille croyant et il se couche le soir mécréant. Et c'est possible le contraire aussi, c'est-à-dire le soir il est croyant et le matin il devient mécréant. Pourquoi? À cause des fitanes, à cause des problèmes, à cause des tribulations, à cause des tentations, hein, qui se produisent, et en particulier à la fin des temps. Donc ne sois pas comme ça, c'est-à-dire ne sois pas comme ceux qui tombent dans la fitna et dans la tentation. Donc inshallah. Et ça, en même temps, ça veut dire quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire, ne sois pas parmi les gens qui changent de manhaj, ou qui changent de voie, et qui sont pas stables, et qui sont pas fixes, hein. C'est-à-dire, ils ont pas de fermeté dans leur manhaj, hein. Donc, tu les vois un jour avec un tel, et le lendemain avec l'autre, hein. Un jour, ils sont avec les salafis, le lendemain, ils sont avec les hizbiyin. Non, il faut que tu sois stable et que tu sois ferme. Et pour être ferme dans ton manhaj, il faut que tu aies la connaissance, hein, et le ilm. Il faut que tu recherches la science de l'islam, la science du Coran, la science de la sunna, que tu restes avec les ulama et que tu écoutes les ulama. Et il faut aussi, avant tout, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu l'invoques continuellement et constamment, et tu lui demandes Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui fais changer les cœurs, hein, ou qui renverse les cœurs, rafferme mon cœur sur ta religion. Donc tu demandes ça à Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et un point important aussi en passant, c'est le fait de s'accrocher au manhaj et à ses fondements, et non pas aux individus. Parce que les individus, ils peuvent changer. Hein? Un individu aujourd'hui, il est sur le haq, demain il dévie. Si tu te bases sur les individus, tu vas dévier avec eux. Tu te bases pas sur les individus eux-mêmes, hein? Tu te bases sur al-haq, sur le Coran, sur la Sunna et sur la compréhension du manhaj des salaf al-salih et tu t'accroches à ça. Et tu mords dedans avec tes molaires, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein? Donc c'est pas tu suis X ou Y ou un tel ou un tel, hein? Et même s'il s'égare, tu restes avec lui dans l'égarement, non. Le manhaj, hein, il faut le comprendre, il faut le connaître, il faut l'étudier si on veut être sur cette voie de façon correcte. Donc le cheikh il dit, donc ne sois pas comme ceux qui changent ou qui tombent dans les fitanes et dans les problèmes et dans les tribulations et dans les tentations. Donc toi tu es sur le manhaj de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et Ahlus Sunnati wal Jama'a c'est le groupe sauvé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, hein, cette umma va se diviser en 73 sectes, elles seront toutes ces sectes seront en enfer, excepté une. Et le cheikh il dit, elle a été nommée la secte sauvée, pourquoi? Parce qu'elle est sauvée de l'enfer. Hein? Elle ne tombe pas dans les contradictions dans lesquelles sont tombées les autres sectes. Elle s'accroche à tous les éléments sur lesquels s'accrochaient les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Le cheikh dit, on les appelle les gens de la sunna, ahlus sunna. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent et ils suivent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Et on les appelle al-jama'a. Pourquoi? Parce que ils se réunissent, ils ne divisent, ils ne divergent pas. C'est-à-dire, ils ne divergent pas dans la religion. Hein? Ils ne divergent pas dans la religion. Ils ne deviennent pas des sectes et des groupes. Hein? Ils sont unis. Et parmi les caractéristiques des gens de la vérité, c'est qu'ils s'unissent. Hein? Ils s'unissent. La caractéristique des gens du faux, c'est qu'ils se divisent. Hein? Qu'ils divergent. Et donc, le cheikh, il dit, pour terminer, jazallahu an-nadhim 'ala al-islam wal muslimin khayra wa nafa'ana bima dhakara wa thabbatana wa iyyakum wal muslimin 'ala qawli al-haqq wal 'amali bihi ila yawm nalqah wa bihadha intaha ash-sharh 'ala hadhihi al-manzuma al-mubarakah wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il fait un dua pour terminer et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'imam qui a écrit cette manzouma, le cheikh Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud al-Sajistani rahimahullah, et qu'il récompense donc cet imam et qu'il nous fasse profiter de ce que cet imam a mentionné dans cette manzouma, et qu'il nous raffermisse sur ce qu'il a mentionné, et il dit qu'il nous raffermisse nous-mêmes ainsi que tous les autres musulmans pour rester fermes sur la vérité et pour appliquer ce qui est dans cette manzouma jusqu'au jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a terminé donc le charh de cette manzouma béni al-mubaraka. Et il dit Wallahu ta'ala a'lam, hein? Et donc et il l'a terminé en 1426, le huitième jour du troisième mois Hijri. Et il termine en envoyant la paix et le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Et il dit pour terminer que la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Donc, alhamdoulillah, on a terminé d'expliquer et de lire ensemble la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud. Et si j'ai fait une erreur ou une faute dans ma traduction ou dans mes explications, eh bien ça vient de moi-même, hein, et du shaytan, et ça n'a rien à voir avec ce qui est dans l'islam. Et donc l'islam est innocent de ces erreurs-là. Et donc, si jamais vous trouvez dans les audios une faute ou une erreur de traduction ou une erreur d'inattention ou quelque chose comme ça, eh bien, inshallah, الدين النصيحة يعني donnez-moi le conseil et inshallah on va faire la correction. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.